c'est toi qui es ma reine. Donne-moi tout, mais ne me fais pas de peine. Étrangère d'un soir, moi je suis plein d'espoir. Étrangère d'un soir, je te donne ma Jaguar. Étrangère d'un soir, oh comment te revoir. Étrangère d'un soir, pourquoi me dis-tu bonsoir. T'apercevoir et te voir, te revoir. T'apercevoir et te voir, te revoir. Dis-moi comment. Allez, bonsoir. T'apercevoir et te voir, te revoir. T'apercevoir et te voir, te revoir. M'apercevoir et me voir, dis-moi pourquoi.